Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver en ce mois d'avril pour notre émission mensuelle Éclat de lumière. Je suis Victor et je vous retrouve après un petit mois d'absence pour des raisons professionnelles et je suis ravi de vous accompagner tout au long de cette émission. Ça y est, les jours ensoleillés reviennent, les températures remontent progressivement et le pollen arrive aussi, donc vous excuserez ma voix légèrement enrouée pour cette émission. Et pour accompagner le retour des beaux jours, toute l'équipe de Lumière en Art s'est mobilisée, vous a préparé une savoureuse sélection d'invités, d'événements et de recommandations culturelles en tout genre pour ce mois d'avril. Pour cette émission, je suis donc accompagné de Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et de Mouloud. Bonjour à tous. Et de Aline qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Pour cette émission d'avril, donc, des invités venus de divers horizons pour nous accompagner durant cette heure de culture. Patrick Chauvelot, créateur et directeur de la compagnie Amnesia depuis 1982, qui est une compagnie de danse et de théâtre en résidence à Maxéville, échangera avec Gilles et Aline sur ses différentes activités. Puis, deux invités donc, qui nous viennent tout droit des Vosges, et plus précisément donc, de Mirecourt, à savoir Youssef Amoumraoui et Pierrick Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Qui vont évoquer donc, avec Mouloud leurs différentes activités culturelles et les événements. Et nous avons également donc, Fanfit et Jean-François Vinault qui nous passeront un petit coucou pour un agenda également. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, nous allons immédiatement commencer cette émission sans transition. Je vous rappelle toutefois que les réseaux de Lumière en Art sont toujours actifs. La page Instagram, donc Lumière en Art, mais également les deux pages Facebook, Lumière en Art et Amis qui aiment Lumière en Art. Et depuis quelques temps, nous avons maintenant un TikTok, donc le TikTok de Lumière en Art, sur lesquels vous pourrez retrouver nos différents articles, nos manifestations donc culturelles tout au long de l'année. Ainsi, évidemment, je n'oublie pas le site internet. Mouloud, je te laisse présenter donc nos deux invités qui nous viennent donc tout droit de Mirecourt dans les Vosges. Oui, donc aujourd'hui on a invité donc une association de Mirecourt, dont deux artistes peintres et qui sont effectivement membres de l'association. Elle s'appelle Les Arts. Alors Les Arts, c'est écrit un peu entre deux mots et le Z, bien sûr, en majuscule. Apostrophe art au pluriel. Et cette association se trouve dans la capitale, la Lutterie, bien sûr, qui est Mirecourt. Ces deux invités, c'est, bon, comme ils ont été annoncés, Youssef Amoumraoui, donc un peintre, portraitiste. Et bon, il va vous parler de toute façon tout à l'heure un petit peu de sa biographie, bon, son parcours donc, et son style. Surtout de l'association, hein, surtout ce qu'elle. Oui. Pierrick Jacquemin, voilà. Donc voilà, Pierre, je vais commencer par toi, je pense, pour présenter un petit peu ton parcours. Je commence par moi, ouais. ou toi, Youssef, comme tu veux. Priorité aux anciens. Ouais. Vas-y. Oui, donc merci. Bonjour à tous. Merci à l'association Lumière en Art de nous avoir donné l'opportunité de parler de notre association, aujourd'hui, qui s'appelle Les Arts, comme tu viens de le dire, située dans les Vosges, à Mirecourt. Je remercie ici présent mon ami Mouloud, qui est à l'origine de cette invitation, un fervent défenseur de la culture dans la région. J'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a quelques années à l'association ACB de Nancy, où tu as fait tes preuves dans ce domaine. Avant de parler des activités de l'association, je voudrais faire un petit historique. Comment cette association a été créée il y a déjà 25 ans? Par l'initiative d'une dame qui s'appelle Eliane Duveau, peintre, et M. Dominique Renaud, sculpteur, dans les débuts. Dans les débuts, ils faisaient de la sculpture et de la peinture en alternance, une année sur deux. Donc une année, c'est les rencontres en peinture, et la deuxième année, c'est les sculptures, qui s'appelle le symposium. Ça a duré jusqu'en 2006. Il y a eu une séparation entre les sculpteurs et les peintres. Depuis, les sculpteurs organisent donc un symposium Et les peintres organisent une rencontre artistique qui s'appelle une rencontre artistique mercursienne à l'espace Flambeau, dont nous allons organiser la 13e ce 25-26 avril 2025. Et donc l'association, je laisse le président parler un petit peu de la suite de ce qu'on fait, de ce qu'on fait dans cette association. Oui, alors quand même, je voulais quand même annoncer que c'est quand même une exposition assez importante. Hein. Justement, tu vas peut-être un petit peu en parler, hein, parce qu'apparemment, il y a 70 exposants. Alors, tu peux me parler un petit peu de tout ce qui va se faire le jour à partir de cette expo, les prix qu'il y a à décerner, je pense. Voilà. Les activités, ce qu'on fait. Les activités, l'année. Et puis je crois qu'il y a un jumelage avec une ville importante. Hein, tu peux me parler un petit peu de tout ça. Les partenariats aussi qu'il y a à Mirecourt avec partenariats privés ou municipaux. Oui, pas de problème. Alors du coup, moi je m'appelle Pierre Jacquemin, je suis le nouveau président des Lézards depuis maintenant un peu plus d'un an. Et donc effectivement, comme Youssef l'a dit, on prépare les 13e rencontres artistiques mercursiennes qui se dérouleront du 24 au 27 avril. Alors, pour cette expo, on est passé à 80 artistes. On n'est plus à 70, on est passé à 80. En comptant, les 7, on a 7 artistes allemands qui viennent liés au jumelage. On a un jumelage en fait avec la ville de Bonnbuel en Allemagne, avec Mirko. Du coup, ben, une année sur deux, en fait, on les invite. Et puis l'autre année, c'est nous qui sommes invités là-haut pour participer à leur exposition. Donc, effectivement, donc cette grosse expo qui va se dérouler sur 3 jours et demi, on a prévu 80 artistes. Et donc, du coup, il y a 4 prix qui seront décernés au cours de cette exposition. Il y a l'habituel prix du public. On a un prix sur un thème bien précis, où là, on a un jury un peu plus restreint qui va s'occuper des votes pour ce thème. Donc, on a 2 artistes de renom qui sont invités. C'est des... On peut dire des grosses pointures qui viennent et qui seront nos VIP, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment des gros artistes, parce que la plupart des autres artistes qui seront présents sont des artistes amateurs. Là, des artistes qui sont invités, on parle de professionnels. Donc, c'est eux qui voteront pour le prix du thème, ainsi que d'autres personnalités de la ville. On a par exemple M. Pagès, qui est un luthier très connu de la ville de Mirecourt, Mme Babouo, qui est à la Comcom. Et d'autres personnes qui vont essayer de fournir un jury un peu plus diversifié, on va dire. Oui, je voulais quand même en prendre un petit peu. Comme il y a 70 exposants, je pense que la surface doit être limitée quand même. Donc, est-ce que chaque peintre présente, toutes ses œuvres, ou alors c'est limité au nombre ? Alors, on a... Effectivement, même en étant limité en nombre, on a limité à 4 œuvres par artiste. Alors tous ne viennent pas avec 4 œuvres, il y en a certains, c'est un peu moins, mais généralement, on a 4 œuvres par artiste, plus une qui sera réservée pour le thème. Effectivement, ça demande beaucoup d'espace. Alors on va essayer d'agencer ça au mieux, sachant que je crois que c'est la plus grosse expo qu'on ait jamais faite depuis que les Lézards existent, si je ne me trompe pas. On va essayer de faire au mieux. Normalement, l'espace Flambeau, c'est assez spacieux. Je pense qu'on va, on va s'en sortir, ça, je m'en fais pas trop là-dessus. Ouais, je ne me rappelle pas, là, l'espace Flambeau, c'est celui qui est au bord du Madan ou c'est... Pas du tout, vers la sortie, vers Matincourt. Voilà, je vois, oui. C'est la salle des fêtes, c'est un gros bâtiment. Non, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est clair que ça va représenter un gros challenge parce qu'on n'a jamais eu autant de participants. Donc, ce que je voulais dire, il y a des partenariats certainement municipaux, mais aussi privés. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus ? Est-ce qu'il y a des sponsors, si on veut, je ne sais pas comment on peut les appeler ? Alors, on a la ville de Mirecourt qui participe, qui va financer le prix du thème. Oui. Donc, normalement, le prix du thème, celui qui remportera le premier prix, ce sera à hauteur de 500 euros. Ensuite, on a différents partenariats, alors peut-être pas au niveau monétaire. On a actuellement en négociation avec d'autres partenaires plus privés, on va dire. On n'a pas encore de réponse, donc je ne peux pas trop en parler maintenant. Mais sinon, on a d'autres gens qui participent. On a par exemple le Villa Verde qui va nous prêter des plantes pour apporter un peu de verdure dans la salle, apporter un peu de décoration. On a le partenariat avec la ville de Bonnbuel, évidemment, qui vis-à-vis des artistes qui viennent chez nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La Comcom, bien sûr. La Comcom aussi participe au niveau des prix, au niveau des prix en termes d'argent. Oui, et les relations avec les ateliers de lutherie et tout ça, non, il n'y a pas de relations au niveau artistique, au niveau... On a des relations, mais plus particulièrement Oh, excuse-moi. Si, hein. Alors, on a des relations plus avec les... Pas avec la lutherie, mais on a plus de relations avec la dentelle. Parce que Mirecourt est très connu aussi pour sa dentelle, et on a... Oui, c'est vrai, oui. Oui. Donc on a déjà organisé des expositions avec la présence des dentelières, et on, pareil, nous-mêmes, on a été invités en retour à leur salon qui se déroule tous les deux ans, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, on essaie de tisser un maximum de liens avec les autres associations pour déjà nous diversifier et aussi pour apporter plus de vie à la ville de Mirecourt. Oui, oui. Alors, Youssef, est-ce que tu peux me parler un petit peu des styles peut-être pas tous les styles, mais il y a des styles différents. Donc, quels sont les styles à peu près qui sont évidents? Je parle chez les exposants et leurs œuvres. La plupart des exposants, c'est le fruit de leur travail. En général, c'est de la peinture. Hein. Peinture, pastel. Oui, comme on dit, abstrait, classique, caricature. Tout à fait, on accepte tous les styles. Donc, on inclut même les photographes. Il y a des photographes. Ah oui. Et sculpture également. En général, en plus, quand on invite des invités d'honneur, en général, on invite un peintre et un sculpteur. Mais cette année, comme on n'a pas de chance, on n'a trouvé que des peintres. On n'a pas trouvé de sculpteurs comme invités d'honneur. Donc, on a deux peintres invités d'honneur. Oui, parce que quand je suis venu à l'exposition l'année dernière, effectivement, j'arrêtais pas de prendre des photos, des vidéos, parce qu'il y avait tellement de toiles que je m'étais perdu dans la salle. C'était un vrai labyrinthe. Bon, voilà, quoi, c'était pas mal. Donc, j'espère que cette année, ça sera pareil. Juste en passant, je risque de perdre un petit peu le fil. Il y a un vernissage à quelle date? C'est le samedi 26. Oui. Samedi 26 vers 17h. Voilà. C'est le samedi le 24, c'est ça? Non. Le 26. 28, ah oui, d'accord. Ok. On va se laisser quelques minutes, oui. Et puis on revient tout de suite pour préciser un petit peu quelles sont les dates, l'agenda, et on revient dans quelques instants avec nos invités de l'association Les Arts. À tout de suite sur Fadjet Radio. Thank you. filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman. De retour sur Fadjet Radio, vous êtes bien dans l'émission donc Éclat de Lumière, vous avez reconnu les Doors, il commence à faire beau, il commence à faire chaud et j'avais envie de vous partager un petit peu de la voix de Jim Morrison. Nous sommes donc toujours avec nos invités de l'association Les Arts et je crois Mouloud que tu avais envie de parler un petit peu des styles que l'on pourrait retrouver lors de cet événement. Oui, donc on reprend Pierrick et Youssef. On avait parlé des styles tout à l'heure, effectivement, on ne va pas peut-être trop... vous avez déjà parlé un petit peu de ça, mais je crois qu'on peut parler d'autre chose. Alors, votre public, bien sûr, mercurcien, je pense que c'est un public d'artistes ou en tout cas qui s'y connaissent en art. Je pense aussi qu'il y a un public qui vient... s'initier, à apprendre ce qu'est l'art. Parce que Mirecourt, c'est une ville moyenne, il y a combien d'habitants ? 5 000 habitants. 4 000 habitants. Donc on ne peut pas dire qu'à l'origine, une ville de peintres, je dirais, d'art des élites, quoi. Hein. Le lustre. Voilà, donc dans l'association, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Il y a des gens initiés, des gens qui ne le sont pas, des vrais peintres reconnus et des non reconnus, bien sûr. Surtout des habitués qui sont habitués à cette exposition, à cette association qui est bien implantée depuis, je disais tout à l'heure, depuis 2000. Donc il y a des gens qui sont habitués, ils sont fidèles, ils viennent assez souvent voir nos expositions. Ouais, donc vous pensez que l'association, là où vous êtes fixé, peut être un moyen d'éduquer les gens aux arts en général ? Tout à fait, ils s'intéressent. Il y en a pas mal qui s'intéressent. Oui, parce que c'est quand même une ville d'art. Hein, la lutherie, la dentelle, vous maintenant les arts, donc la peinture, la sculpture. On a des expositions régulièrement chaque année. Tous les mois de... En été, juillet, août, les estivales. Donc, on expose, par exemple, dans une salle d'exposition qui est à proximité du musée de la lutherie. On expose pendant un mois ou trois semaines. Ça dépend de la disponibilité de la salle. Voilà, les gens sont habitués à ce rythme. Donc, tous les ans, On a pas mal de visiteurs. Oui. Des visiteurs aussi, des touristes qui viennent voir le musée. J'ai oublié, il y a le musée de la lutherie, bien sûr. Le musée de la lutherie, justement, là, on a pas mal de visiteurs qui viennent visiter le musée et en même temps voir notre exposition. Je voulais parler d'une exposition que vous aviez fait au bord du Madon. Je ne sais plus, vous le faisiez ça par an. Festival, voilà. C'est un festival. Comment c'est déjà ? C'est pas le même que celui. Non. Ça, c'est organisé tous les deux ans. C'est une grande exposition. Par contre, celle qu'on fait au bord du Madon, à la salle La Grange à Sang, qui s'appelle. Donc, par contre, celle-là, on l'a fait tous les étés, juillet, août. Ça dépend de la disponibilité de la salle. Oui, donc on en reparlera la prochaine fois. Mais est-ce que, je ne sais pas, Youssef ou Pierrick, le calendrier que vous avez, l'agenda, disons, des projets, expo ou autres, est-ce que vous pouvez un petit peu en parler ? Oui, pas de problème. Donc du coup, on a la grosse expo, celle-là, c'est la plus importante qu'il ne faut pas rater, qui commence le 24 avril et qui finit le 27 avril. Après ça, le 11 mai, on sera à deux endroits différents. Donc, on expose à la fois à la Bourse aux vêtements qui est organisée à Mirecourt, pareil, à l'espace Flambeau. Et on sera aussi au marché aux fleurs de Madone et Lameret. Ensuite, nous avons certains artistes seront présents à l'exposition sur Nonville, toujours fin mai. Début juin, pareil, certains d'entre nous iront à une exposition à Bunéville. Ce n'est pas nous qui les organisons, mais nous sommes quand même présents. On est quand même invités et des habitués là-bas. Ensuite, nous avons le 22 juin, nous organisons un tournoi de pétanque sur Tirecourt. Bon, on dévie un peu du thème de l'art, mais on aura quand même des artistes présents avec des tableaux en loup et tout. Le 28 juin, on est à la braderie, etc., etc. Toute l'année, en fait, on organise des expositions un peu partout. À Tirecourt, c'est bien parce que c'est aussi une ville ou un village où on faisait beaucoup de festivals de jazz dans le passé. On va arriver vers la fin, on va rendre l'antenne parce qu'il y a d'autres invités. Donc, merci Youssef Hamou Mouraoui et merci Pierrick Jacquemin. C'est ça. Merci à vous de nous avoir invités. Voilà, on se reverra certainement une prochaine fois. Je l'espère. Une bonne expo et on sera là pour le vernissage. En tout cas, moi, je serai là. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Au succès, à bientôt. Merci beaucoup, messieurs, pour cette magnifique interview de l'association Les Arts. On va passer, vous en avez maintenant l'habitude, à l'agenda du mois de la part de Lumière en Art. Et pour commencer, ce n'est pas forcément moi qui vais vous exposer mes coups de cœur et les prochains rendez-vous nancéens ou parisiens à venir, mais je vais laisser la parole à nos invités, avec dans un premier temps Fanfit, qui va nous parler de son travail et notamment d'un petit événement auquel elle va participer prochainement. Bonjour, moi je m'appelle Fan, je suis artiste sur Nancy, artiste de micro. Essentiellement des peintures et des dessins, à l'acrylique, à l'aquarelle et au fusain. Des œuvres qui sont assez colorées. Moi, je cherche toujours à capter un maximum d'émotions dans le travail que je fais. Je cherche le très juste. Et donc là, je vais faire une première exposition internationale dans la région du Grand Sud à Cannes, pendant la période du Festival de Cannes, le 17 mai. Ça, c'est un sacré événement. C'est un sacré événement. Félicitations. On a également c'est un talent, c'est une créatrice. Et Lumière en Art est ravie que, on va révéler une nouvelle pépite, là. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les nouvelles pépites sont chez Lumière en Art. Avec nous également, Jean-François Vineau, qu'on avait reçu en novembre, ici même, dans notre émission sur Lumière en Art, et qui va revenir en ce mois de mai. Oui. Alors bonjour, je serai à Nancy le 3 et 4 mai au parc Sainte-Marie, pour la manifestation Nature en Fête qui a lieu chaque année. Hein. Et donc j'exposerai des tableaux 4 saisons pour l'occasion, avec comme toujours l'architecture culturelle et patrimoniale de Nancy. Merci beaucoup, on a hâte d'aller voir ça au parc Sainte-Marie, ça se passera en mai à Nancy. Ouais. Et ce n'est toujours pas moi qui vais prendre la parole pour cet agenda, puisque Gilles, je crois que vous aviez envie de nous exposer quelques futurs événements chez Lumière. Voilà, une balade, une déambulation avec un voyage sympathique qui va nous conduire hors les murs du Grand Nancy et jusqu'à Paris. Alors, une première exposition qui nous a séduit et qui a été un coup de cœur donc, du magazine Lumière en Art, Le Souffle du Verre Art Déco, jusqu'au 27 avril. Une exposition absolument à voir dans le cadre magnifique de l'espace de Madame de Graffigny, la galerie Madame de Graffigny, et c'est à Villers-les-Nancy, donc en Grand Nancy, en Grand Est. Et puis, une découverte, un jeune artiste bourré de talent, Nim Rom, qui expose à Court-Circuit à l'Axou, en Grand Nancy, Grand Est, jusqu'au 26 avril. C'est au 47 rue Voltaire à l'Axou. Et vraiment, il s'est passé quelque chose parce qu'on avait mis quelques-unes de ses œuvres, après avoir découvert, grâce à Nathalie, que nous remercions cette exposition. Et on a eu un boost absolument incroyable, puisqu'on a eu, sur l'espace de quelques heures, 86 153 vues autour des événements annoncés et qui mettaient ces œuvres qui sont dans un univers onirique, fantastique, merveilleux. Vraiment, on en reparlera et je pense qu'on a aussi en projet, Nathalie nous suggérait qu'on fasse quelque chose avec lui. Et je vous disais, voyage au-delà du Grand Nancy et de la région Grand Est, avec, et là on a une sélection qui est exhaustive parce qu'autrement on pourrait y passer toute la soirée, avec deux expositions très intéressantes, très originales. Une première exposition qui a un titre qui n'est pas très alléchant, qui s'appelle « Faire impression », mais quand on lit le sous-titre, c'est nettement mieux, « Quand l'affiche de cinéma s'invente ». Et c'est une exposition exceptionnelle, avec des œuvres qui ont été regroupées pour la première fois, qui n'ont encore jamais été montrées pour la plupart au public, qui se déroule à la fondation Cédou Pâté, ça vous parle peut-être plus quand on dit Cédou Pâté, avenue des Gobelins dans le 13e à Paris. Et puis l'équipe de Lumière en Art, pour terminer, vous propose de retrouver un de nos amis artistes entre autres, Éric Delmar, en sculpture contemporaine avec d'autres artistes, pour le samedi donc 19 avril au Vernissage qui est à Paris 1er. Et là, c'est très intéressant puisque cette galerie a été connue à l'époque de Simone Signoret et Yves Montand. Alors, elle a été rénovée, bien sûr, depuis. Hein. Voilà, mais c'est un lieu magique qui est situé quai des Orfèvres et vous y serez bien accueillis pour nos amis du Grand Est qui vont aller à Paris ou pour voilà, tous les auditeurs et lecteurs du magazine Lumière en Art. Et puis surtout, vraiment notre coup de cœur, si vous êtes en Grand Sud, on va mobiliser nos amis, nos correspondants de l'équipe là-bas pour qu'il y ait un beau succès pour l'exposition, la première. C'est quand même un événement de FanFit qui vous en a parlé tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Gilles, pour ces quelques recommandations culturelles. Quant à moi, je vais me permettre d'ajouter ma petite pierre à l'édifice et recentrer un tout petit peu ma proposition du côté de Metz, au Centre Pompidou-Metz. Se déroule depuis quelques jours maintenant une exposition intitulée « Après la fin, carte pour un autre avenir ». Cette exposition, elle réunit les œuvres de 40 artistes réunis par Manuel Borja-Villel. Et c'est une exposition qui a pour objectif d'aborder la colonisation, et plus précisément les violences coloniales, les héritages de la colonisation, et comment, après cet événement historique très important, il a fallu se reconstruire. Comment la culture, la violence coloniale, a-t-elle été globalement inculquée aux populations colonisées, et comment faire société après cet événement. C'est une exposition très importante, déjà parce que elle réunit un certain nombre de médiums artistiques très divers. Le cinéma, la danse, les sculptures, la peinture sont des œuvres que vous pourrez retrouver donc au cours de cette exposition, qui va vous permettre également donc de se questionner sur, finalement, que reste-t-il de la colonisation et comment faire nation après cela. Les réflexions sont assez diverses, les artistes le sont tout autant. On a des artistes qui viennent donc des Caraïbes, on a des artistes qui viennent donc de la Méditerranée, et J'avais envie aussi de faire un lien avec finalement ce qui se passe un petit peu à Nancy en ce moment, puisqu'à Nancy est proposée une exposition, thématique sur la réflexion sur les récits coloniaux, avec une exposition thématique intitulée « Faut-il brûler les musées ?». Donc c'est une exposition avec laquelle de nombreux liens existent entre Metz et Nancy. Et j'attire également votre attention sur le fait qu'à Metz, dans quelques semaines, les œuvres du Musée Pompidou Paris vont être exposées, puisque le Musée Pompidou Paris, vous le savez sans doute, est en travaux pour un certain nombre d'années, entre 5 et 7 ans donc de fermeture pour le Musée Pompidou. Et beaucoup d'œuvres vont arriver donc à Metz dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, avec notamment donc des œuvres signées par André Breton, par Marcel Duchamp évidemment. Un certain nombre également d'artistes surréalistes seront exposés. C'est à partir du 8 mai que l'on pourra voir donc ces expositions au Pompidou Metz, qui sont à mon sens essentielles, et c'est une chance de les avoir dans la région. Voilà pour cet agenda culturel d'Éclat de Lumière pour ce mois d'avril. Je vais vous laisser un petit peu avec Billy Idol, Eyes Without a Face, hein, qui était un énorme succès lié au film L'Amour Ouf, qu'on vous recommande d'ailleurs au passage. A tout de suite sur Fadjet. Your eyes without a face. De retour donc sur l'émission Éclat de Lumière, donc sur Fadjet Radio 94.2, la radio donc de Nancy. Nous avons donc un petit tas prévu pour la dernière partie de cette émission. Notre dernière invitée qui était censée donc venir pour avoir une interview avec notre chroniqueuse Aline n'a pas pu se rendre au studio pour des problèmes de transport. Mais ce n'est pas grave parce que nous avons encore un certain nombre d'événements desquels nous aimerions parler pour la fin de cette émission. Et je vais commencer par parler de Gilles. Donner la parole à Gilles qui va nous annoncer, je crois, une très heureuse nouvelle, Gilles. Voilà, pour un événement au niveau d'une dynamique en termes de communication et qui est original. On l'avait souhaité depuis longtemps. On a essayé d'y contribuer, d'être un peu passeur grain de sable par rapport à cet événement. À savoir, la culture foraine a rejoint, enfin, le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. À la demande de la France et de la Belgique, c'est un département très officiel de l'ONU, qui a donc salué deux points importants par rapport à la culture foraine, à savoir, c'était une reconnaissance du mode de vie itinérant, mais aussi le côté fédérateur, mutuel, familial, qui permet à des milliers de personnes de participer et d'être inclus dans cette communauté. Alors, c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil, sans être trop long et trop fatigant avec l'historique. Mais rappelons que les fêtes populaires sont nées d'une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Les générations se sont succédées ensuite avec un développement fort à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui, on retrouve la communauté foraine de génération en génération avec 50 000 membres, ce qui est absolument énorme. Et une partie de ce patrimoine, une petite partie avec des éléments, des attractions, des manèges, des objets tout à fait authentiques, sont exposés au musée des arts forains, qui rend hommage à cette culture populaire. Et souvenons-nous que déjà dans Germinal de Zola, il y a une description dans un des chapitres d'une ducasse. Alors la ducasse, pour beaucoup d'entre vous, ça dit pas grand-chose, mais pour nos amis de la région du Nord et des Ch'tis, c'est le nom qu'on désigne pour la fête foraine dans le Nord et qui est toujours utilisée en Belgique. Alors ce savoir-faire est reconnu. En même temps, tous ces héritages familiaux depuis 1880, et c'est l'occasion de vous rappeler que jusqu'au 27 avril, vous pourrez découvrir la version actuelle avec les attractions, les manèges à sensations, donc à l'espace donc Cours Léopold, Place Carnot. Et deux grandes familles sont encore là, parmi d'autres, à savoir pour l'ours noir, de génération en génération, la sixième, si je ne dis pas de bêtises, et puis la maison mère, dont les uns et les autres vous connaissez leur spécialité, avec le plus vieux gaufrier qui a été conçu en Belgique, et vous pouvez toujours découvrir tout ce qu'ils font, tous leurs produits, donc sauf le jeudi. Et puis un petit point historique pour terminer. Alors, 686e édition pour cette foire de Nancy, qui aurait été, d'après différentes sources historiques, créée en 1339. La source, c'est la charte du duc de Lorraine, Raoul. L'emplacement, c'était à proximité de l'église Saint-Èvre et de la collégiale Saint-Georges. Alors, collégiale Saint-Georges, rien à voir avec l'église Saint-Georges actuelle, mais qui était proche de l'actuel palais du gouverneur. À l'époque, évidemment, il s'agissait de regrouper non pas des attractions et des manèges, mais les confréries de drapiers, d'artisans, de marchands ambulants. Et petit à petit, les attractions un peu originales dans le sens de montrer des personnages étranges, des géants et surtout des nains, les nains. Et puis, entre guillemets, la femme à barbe Rosalie, dont un film a été réalisé il n'y a pas très longtemps. Très bon film, hein, au passage, hein, à voir, vraiment. Et pour des choses plus passionnantes par rapport à cet événement, je vous renvoie à notre ami journaliste, grand historien, d'un tas de choses, des brasseries, de l'art déco, qui est Bertrand Munier, ici Sud-Lorraine, qui fait des émissions fabuleuses et qui saura beaucoup mieux que moi vous conter toutes ces histoires. Et puis, il vient de sortir un livre sur les histoires secrètes de Nancy il y a quelques jours. Donc, on aura l'occasion de rencontrer notre ami Bertrand Munier. J'espère vraiment qu'on pourra l'avoir prochainement, voilà, pour une émission de radio. Et puis une info pour terminer, très prochainement, début de semaine prochaine, le 14 avril, à notre façon, au niveau de la team Lumière en Art et du magazine Lumière en Art, nous avons souhaité rendre hommage à cette reconnaissance au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour la foire attractive. Et nous décernerons pour la période printanière deux trophées, en particulier un trophée national France pour la plus belle foire attractive actuelle, voilà, la plus dynamique, et pour Nancy. À travers cet événement, c'est Arthur Garçon, son président des festivités du comité de la fête foraine de Nancy et des industriels forains. Et puis, un clin d'œil, gourmand cette fois, avec un joker de l'excellence, catégorie rôtisserie, brasserie itinérante, la plus accueillante, la plus dynamique et sur les produits de qualité, je voulais nommer l'ours noir. Et puis il y aura une petite surprise puisqu'on désignera à cette occasion sa marraine, qui est aussi quelqu'un qui fait partie de l'équipe de Lumière en Art. Voilà, donc rendez-vous très prochainement et puis profitez en famille, entre amis, de l'ours noir et puis des attractions. De la foire qui, vous pouvez nous rappeler les dates rapidement? Jusqu'au 27 avril 2025, Léopold, Carnot, Grand Nancy, Grand Est. Merci beaucoup Gilles pour donc cette information et ces très bonnes nouvelles donc concernant l'art forain. Vous le savez, Lumière en Art aime aussi mettre en avant donc des artistes et aime aussi donc particulièrement, et j'aime particulièrement, vous le savez, pour les assidus de cette émission, parler de cinéma. Or, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un talent Lumière en Art qui allait s'y rendre très prochainement, et je profite de sa présence au micro de notre émission et du fait que nous avons un peu de temps pour lui laisser la parole. Fanti, c'est à toi. Bonjour. Merci pour cette invitation. Donc je m'appelle Fanny Fitten, je suis artiste peintre sur Nancy. Donc mon nom d'artiste est Fanny Fit. Vous pourrez me retrouver sur les réseaux, donc sur Instagram et Facebook sous @fanfit.art, qui est donc la contraction de mon nom et de mon prénom. Donc je présente des peintures à l'acrylique et des dessins à l'aquarelle, des dessins au fusain aussi. J'expose depuis quelques temps sur Nancy. Je fais une exposition sur Nancy au bar La Plantation à partir du 6 mai. Et je ferai une première exposition aussi internationale dans la région Grand Sud de Cannes. Donc ce sera l'événement a lieu dans un palais le 17 mai dans le cadre du Festival de Cannes. Il y aura donc une dizaine de designers, une dizaine d'artistes qui vont exposer. J'y serai pour assister au défilé et de mon côté, j'exposerai dans la semaine qui suit. Donc c'est avec le magazine qui s'appelle Hollywood Mag. Donc vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram, H-O-L-Y, donc je tirais du bas, H-O-O-D, tirais du bas, mag. Et donc vous aurez l'artiste MLK qui chantera... Il fait de l'afro-rap, donc beaucoup d'artistes aussi. Donc Hollywood Bag, c'est un magazine qui parle de mode, d'art, de culture, et j'y serai dans la prochaine édition qui sera prévue aussi pour le mois de juillet. Voilà, donc j'ai hâte de vous rencontrer ou de vous retrouver, soit à Cannes pour les plus courageux qui ont envie d'aller profiter de l'événement, soit à partir du... Donc soit au mois de mai au bar La Plantation de Nancy. Voilà, on va donner... rendez-vous à tous nos amis, tous nos lecteurs. Et puis pour une fois, c'est vrai que les amis de Lumière de l'équipe Grand Sud, on va leur passer cette info qu'ils vont relayer. Plein succès, en tout cas, ces événements, Fanny. Merci beaucoup à tous les deux donc, pour ces informations. Nous ne manquerons pas d'ailleurs d'en reparler à ce micro pour l'édition donc, du mois prochain de notre émission. De Éclat de Lumière. Je vais vous laisser un petit instant en musique, une musique assez joyeuse. Il commence à faire beau, les températures remontent, donc on vous a mis un petit peu du Ed Sheeran pour fêter tout ça. À tout de suite sur Fat Jet Radio. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. De retour dans Éclat de Lumière, vous êtes donc toujours sur Fat Jet Radio. On rentre dans la dernière partie de cette émission et je vous les avais présentés tout à l'heure dans l'agenda, mais nous avons donc un petit peu de temps pour développer avec eux. Je vais donc laisser maintenant Jean-François Vineau, que nous avions déjà reçu en fin d'année dernière dans l'émission, qui va nous parler un petit peu donc de son travail et notamment, si vous vous souvenez bien, il était photographe. Jean-François, c'est à toi. Ouais. Alors, d'accord, oui. Alors, par rapport à l'intervention que j'avais faite, oui, donc j'avais expliqué que j'étais photographe autodidacte. J'ai fait des études en architecture du paysage et donc depuis toujours, j'observe la nature et les quatre saisons. Donc, il y a énormément de choses à décrypter, en fait, quand on se promène au niveau des couleurs, des graphismes, des textures, des structures. Et j'ai commencé à prendre des photos depuis longtemps, mais... Depuis que les téléphones se sont démocratisés, les appareils photo, voilà, il y a une quinzaine d'années. Et puis progressivement, je me suis dit, bon, la photographie, c'est à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait apporter quelque chose de nouveau? Et c'est là que je me suis mis à composer avec des logiciels de dessin informatique et recomposer des paysages. Donc, toujours pareil sur le thème des graphismes. Et j'y ai ajouté après ça l'architecture nationale et particulièrement nancéienne, parce que je suis natif de Nancy. Et voilà, petit à petit, j'ai composé entre les quatre saisons et l'architecture patrimoniale. Et voilà. Après ça, maintenant, je fais des tirages sur toile d'art, sur... Il y a beaucoup de supports maintenant. Par exemple, là, j'ai ramené des supports tout à l'heure, c'est sur aluminium. Donc, ça donne un petit côté brillant comme ça quand on le regarde. C'est assez sympa, assez moderne, assez contemporain. Voilà un petit peu pour résumer mes travaux. Est-ce que, Fanny, tu voulais rajouter quelque chose également concernant ton travail ? Oui, donc moi je dessine depuis enfant. J'ai commencé à créer depuis environ 8 ou 9 ans. J'ai commencé à montrer mon travail il y a environ un an. Donc j'ai une production qui est assez variée. J'ai une centaine d'œuvres, je pense une cinquantaine de fusains et une cinquantaine de toiles aussi. Les toiles sont très colorées, les aquarelles sont beaucoup plus poétiques. C'est une collection que j'avais créée cet été. Les fusains représentent essentiellement des nus. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est souvent de capter le trait juste. C'est la force émotionnelle qui est très importante pour moi. Je pense que je cherche une vérité dans le trait. Et donc la forme vient toujours en concomitance avec le sens. Et le sens, c'est essentiellement l'émotion qui va être retranscrite de la manière la plus authentique possible. C'est ce que je recherche dans mon travail. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes sources d'inspiration du quotidien, quelque chose en particulier qui t'inspire pour tes œuvres ? C'est une somme, mais je pense qu'elle vient surtout de mon propre fond et de la manière dont ce fond interagit avec les éléments qui m'entourent. C'est un travail qui peut être assez spontané et qui se fait, je pense, en dialogue un peu énergétique avec les éléments qui m'entourent. Par exemple, pour les fusains, c'est des dessins que j'ai fait en modèle vivant. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se cache sous la surface, sous les apparences. Donc, je suis vraiment dans le monde des émotions, de l'intuition, de tout ce qui est impalpable. Et je cherche à lui donner une forme et une couleur. Ou en tout cas, chez moi, ça se traduit sous forme de couleur. C'est comme ça que ça existe. Jean-François, même question, quelles sont les sources d'inspiration ? Alors, tu en as un petit peu parlé au niveau du patrimoine, etc. Mais qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ? Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien ? Vaste question. Oui, ouais, évidemment. on peut, je pense, en tant qu'artiste, on peut la résumer dans l'émotion. Tout se passe là, hein, finalement. S'émouvoir devant un paysage, et toujours de façon un petit peu inattendue, puisque c'est en se baladant qu'on trouve les sources, enfin, en ce qui me concerne. Là, en quelques semaines, on a vu le paysage s'enrichir de couleurs, une explosion extraordinaire. Donc, ma source, elle est là tous les jours, dans l'instant présent. Il suffit de regarder. Donc, c'est à travers les yeux, le regard, la perspective, l'angle de vue, et un angle assez plutôt... j'essaie d'avoir un angle pas comme tout le monde. Donc, ça se fait spontanément, en fait. Et est-ce que, pour finir, vous pouvez rappeler un petit peu les dates d'exposition ? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver dans un futur proche ? Alors oui, dans un futur très proche. Très très proche. Oui. Donc c'est le mois prochain, là c'est le 3-4 mai au Parc Sainte-Marie, à Nature en Fête. Et puis après ça, au mois de juin, à redéfinir exactement la date à l'Axou. Donc ça serait devant la mairie, hein, en extérieur. Voilà, je pense qu'on peut partir sur ces dates. Et moi, donc, j'exposerai au mois de mai au bar de la Plantation. Et je serai présente à l'événement du Palais à Cannes le 17 mai. Et j'exposerai aussi le 20 mai. Merci à tous les deux donc, pour ces recommandations. Merci d'avoir parlé plus en détail de votre travail et de vous être un petit peu livré donc, au micro d'Éclat de Lumière. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi et j'étais ravi de vous retrouver donc pour ce mois d'avril 2025. Je vous rappelle les différents réseaux sociaux de Lumière en Art et de l'émission, évidemment, Éclat de Lumière. Les deux pages Facebook, Lumière en Art et Amis qui aiment Lumière en Art. La page Instagram également. Et depuis récemment, nous avons donc un TikTok et je vous invite à y faire un tour. Je n'oublie pas également donc le site internet, toujours actif, donc de Lumière en Art. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou écouter également nos recommandations culturelles tous les mois sur Fadjet Radio. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment en podcast sur le site de Fadjet. Vous pouvez la réécouter autant que vous voulez et trouver vos inspirations, vos idées de sorties culturelles donc à Nancy, dans le Grand Est, mais également à Paris et dans le sud de la France, puisqu'on a parlé un petit peu plus aujourd'hui en détail de Cannes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais vous laisser avec un tout dernier morceau, donc un des morceaux les plus connus en ce moment, hein, qui sent bon le soleil et la fête, qui va revenir progressivement pour cet été, c'est Houdini de Dua Lipa. Je vous souhaite une très bonne soirée. Cultivez-vous. Ciao, bye bye.